Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bon matin à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 68. J'espère que tout le monde est en forme. C'est le retour de la relâche. Enfin, de retour au travail. c'est dur de se réveiller un peu, là. Je suis vraiment pas réveillé, là, présentement. Là, j'ai de la misère à me lever le matin. De la misère à m'endormir le soir. De la misère à me lever le matin. J'ai hâte que l'hiver finisse, là. Ça achève. Mais, je sais pas, j'ai besoin d'été, là. J'ai besoin de légèreté, d'atmosphère, là. Je trouve ça dur, ces temps-ci, on était supposé, c'était la relâche, bien sûr, puis j'ai appris, nous avons appris qu'il y avait eu du COVID, j'en ai parlé dans la classe de mon plus vieux, fait qu'il fallait qu'il soit confiné pour 2 semaines. Donc, c'était il y a 2 semaines, un lundi, genre, il n'y avait pas d'école, ben, école à la maison, en Zoom, fallait qu'on le fasse tester mercredi. Pour attendre là, que la période que le virus s'implante, si virus il y avait. Et puis, on l'a fait tester, il était négatif, mais il fallait quand même qu'il reste à la maison pendant 2 fucking semaines, tu sais. Et la 2e semaine, c'était la relâche, donc la semaine passée. Et puis, ben nous, on n'avait pas des grands plans, là, mais on avait quand même réservé une nuit à l'hôtel à Granby, puis on voulait aller au zoo. Voir les animaux, le plus jeune il aurait aimé ça, le plus vieux il aurait pas aimé ça, il aurait suivi pareil parce que Chris, il n'y a rien d'autre à faire. Mais c'est ça, puis il y a 12 ans, il va avoir 13 ans cet été, puis il est vraiment rendu à l'âge aussi où est-ce que il part, tu sais, l'après-midi avec ses amis, ils s'en vont marcher, faire whatever, tu sais, il a bien de l'indépendance, il met son seau, puis il part, puis il revient pour souper. Ben, en fait, il revient pour 4 heures parce que le temps d'écran commence à 4 heures selon la cédule bourrée roi, c'est ma conjointe. Et puis, c'est ça. Mais il game avec ses amis, là, de toute façon, là, il joue à Apex, là, ces temps-ci pas mal, sinon à Rocket League avec son cousin. Bref, il s'occupe, tu sais. Mais là, il pouvait pas voir personne pendant 2 semaines. Là, tu peux pas être branché là, 24 heures sur 24 dans les jeux vidéo non plus. Mais mon plus vieux, il est pas capable de s'occuper. Tu sais, il n'y a rien d'autre dans la vie que gamer, puis aller à l'école, puis voir ses chums faire ses affaires de même, mais mettons, dans la maison, pas de jeu de vidéo, pas de téléphone, c'est pour quoi faire. Fait qu'il gosse son frère, tu sais, c'est ça. Il va pas... Ben oui, quand il y a un livre, il lit beaucoup, genre, les Paul, par exemple, on empruntait une couple de Paul à la bibliothèque, tu sais, il lit ça d'une traite, là, c'est plate, parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Quand il y a un livre qui l'intéresse, on y en donne beaucoup à Noël, genre, des affaires comme ça. Il lit tout, puis ça dure pas longtemps parce qu'il clenche ça, puis après ça, that's it. Fait que jamais, je sais pas, moi, qui fait des Legos, qui gosse dans ses affaires, tu sais, je suis moi, fais-toi une collection de thèmes, whatever. Il y a pas de hobby. Fait que je trouve ça dur. J'essaie de me souvenir, moi, comment j'étais à cet âge-là, en secondaire 1. En secondaire 1, je joue au Super Nintendo puis au Genesis. Puis, j'avais pas d'amis au secondaire, genre aucun, là, parce que c'est ça. Les seuls amis que j'avais du primaire, de 6e année, qui ont switché en secondaire 1, ils ont déménagé. Fait que, tu sais, c'est ça. J'étais très loner. Fait que, c'est dur à dire, hein, parce que moi, ma blonde est très, là, sur le contrôle des écrans. Moi aussi. Cependant, mettons mon plus jeune, mon plus vieux, il défait le lave-vaisselle, tu sais. Puis il veut écouter de la musique. Puis là, ma blonde est comme non, parce que quand il écoute de la musique en défaisant le lave-vaisselle, en fait, il écoute des vidéos de YouTube, tu sais, de gens qui jouent à Apex ou whatever. Là, oui, mais à un moment donné, tu sais, ça n'existait pas dans notre temps, ça. J'aurais bien voulu, moi, écouter du monde jouer à Galaxian à l'Atari 2600 en podcast, c'ti, mais ça n'existait pas, tu sais. J'aurais voulu, moi, me brancher sur Internet puis jouer avec des écouteurs avec mes chums au même jeu, tu sais. Ça n'existait pas, ça. On jouait à Mario Bros 3 quand on se voyait, quand on allait chez du monde, tu sais. C'est ça qu'on faisait, là, tu sais. Fait c'est très... Moi, c'est quasiment une source de conflit entre moi et ma conjointe. On peut pas... Moi, je suis pas d'accord là, à brimer comme ces affaires-là existent. S'il veut écouter des podcasts de quand il jouait à Fortnite ou quand il écoute des podcasts ou à Brawl Stars, il y a comme des nouvelles de ça, Brawl Stars, genre les nouvelles saisons, du monde qui parle de ça. Ben qu'il en écoute de ces affaires-là, tu sais, moi j'écoute des podcasts à longueur de journée sur des sujets qui m'intéressent, tu sais, puis c'est ça, fait que. J'ai bien de la misère avec ma blonde là-dessus, puis elle puis lui, ils se pognent continuellement. Moi, je suis quand même un peu plus lousse du moment que c'est respecté dans les heures, tu sais. Mais, c'est un hostie de chaos, là, ça, là. Ça me fait chier. C'est rendu des fois, il y a comme de la tension dans la maison, là, puis j'ai plus envie d'être là, là. Je veux plus de bruit. Je veux plus, là. C'est les tensions dans la maison par le contrôle des écrans du plus vieux, puis... Fais ça, l'ostinage, c'est comme... Il est jeune encore, là, mais je sens le laisser-tomber prise qui s'en vient tranquillement. Puis moi, je sais que je vais l'avoir beaucoup plus rapidement que ma blonde, là, sérieux, là. Moi, je serais pas du genre à m'obstiner longtemps, là, puis à me battre, là, sur le... Tu sais, comme, t'es-tu en train de regarder ton téléphone, c'est comme... Puis c'est dur aussi, parce que nous autres, on fait que ça, être sur nos téléphones, nous, les adultes. On dit à notre gars... Va pas en bas, il écoute Riverdale présentement, en anglais, Dieu merci, enfin il pratique son anglais, mais il amène son téléphone avec lui. Là, je suis pas d'accord, ma blonde non plus, avec ça, parce qu'il niaise son téléphone tout le long qu'il est supposé être en train d'écouter Riverdale. Là, il dit, laisse ton téléphone en haut. Non, je l'utilise pas, gna. Je réponds à mes amis, c'est comme... Mais là, je le comprends, tu sais, il vit une vie sociale au téléphone, en chattant avec ses amis dans son téléphone pendant qu'il chill devant une émission de télé. Ne faisons tous pas cela, nous, les adultes, constamment, tu sais. On était foirés sur le divan avec nos téléphones devant une télé ouverte, c'est ça qu'on fait depuis un an à temps plein, là, tu sais. Fait que, ben dur de dire de pas faire ça. Donc, mais bien sûr, il est jeune, donc on veut pas qu'il fasse que ça, mais moi les téléphones sont apparus dans ma vie ça fait pas longtemps, là, dans le fond. Puis quand j'ai commencé, quand j'ai eu un téléphone, je suis tout le temps dans mon téléphone, puis quand j'ai tout le temps des affaires à checker, tout le temps des messages à checker, mais ça bifurque aussi sur du niaisage, là, bien sûr, le soir. Donc, j'ai pas besoin d'être autant dans mon téléphone, même si mon téléphone, c'est du travail beaucoup. Mais en tout cas, c'est ça, tu sais, où la ligne, où est-ce qu'on coupe, tu sais, on essaye de doser, c'est comme, ok, là, avant souper, lâche ça. Si tu veux faire le tournoi de Rocket League à 9h, aussi, il joue à Rocket League aussi, puis à Rocket League, il y a des tournois à 6h et à 9h à tous les jours. Alors, il veut faire le tournoi, des fois, il est bon dans le tournoi, fait que ça dure 45 minutes, des fois, il se fait torcher tout de suite, et il veut continuer. Là, il joue avec son cousin plus vieux, dans le fond, le fils de ma sœur, et puis plus vieux que lui, et puis, c'est ça, des fois, il joue à Call of Duty ensemble, ça a l'air qu'il fait ça, mon gars, à ce temps. C'est ça, man. C'est ça, les amis. La tension dans la maison par rapport à la gestion des écrans. J'en ai plein mon casse. Je suis écœuré de ça. Ma blonde est prime aussi, là, ces temps-ci. Elle retournait au travail un matin, mardi, parce qu'hier, elle avait pris off. C'était prévu. Donc, là, elle était tendue, là, tu sais. Puis, il est temps qu'on s'en aille chacun de notre bord, puis qu'on se voit plus à la face, au moins pendant la journée, sérieux, là, parce que... C'est long, là, des fois, là, tu sais, ça fait un an, là, tu sais, j'ai eu des colocs dans la vie ou whatever, mais tu sais, c'est fou comment est-ce qu'on est tout le temps avec notre conjoint-conjointe, tu sais, à temps plein, tout le temps à temps plein dans la même pièce, tu sais, comme, tu dors à côté, tu fais tout avec, tout est planifié avec, la gestion de tout avec, je suis comme... Des fois, je me dis, wow, je ferais même pas ça avec mon meilleur ami, mes meilleurs amis, tu sais. Mais la façon qu'on vit quand on est en couple, on est tout le temps ensemble. Du moment où on commence une relation jusqu'à ce qu'on meurt, c'est comme, hey, c'est beaucoup de temps ensemble, ça. C'est incroyable, comment est-ce qu'on fait pour s'endurer? Le monde, ils sont mariés pendant 30 ans, des affaires de fou de même. Mes parents sont mariés, ils sont ensemble, ils ont été ensemble de l'âge de 18 ans, puis là, ils ont 70, là. C'est ça, Chris, à un moment donné, tu fais le tour, là, de de quoi tu parles, t'sais, ça fait juste un an qu'on est confiné. Je veux quoi dire, là, ouais, on jase de ci pis de ça. Là. Comprenez ce que je veux dire, là? Des fois, c'est. Il me semble que ça prend une petite, un espace, ça prend de l'espace, tu sais. Dieu merci, on a une grande maison, puis Dieu merci, on a fait creuser notre sous-sol, fait qu'on peut être chacun à des places différentes dans la maison, là, en masse, là. Là, je dis ça, y a pas de, je suis pas en train de me... j'ai pas de problème avec ma blonde, tout est sous contrôle et à la normale dans le foyer chez nous. C'est rien que c'est ça, là, des fois, c'est... Il est temps, puis les enfants, tu sais, ça... Mon plus vieux, là, avec toutes ces affaires, il y a eu d'autres moments où est-ce qu'il a fallu qu'il reste à la maison à cause de d'autres COVID, du niaiserie, puis les écoles ferment, puis il est beaucoup, beaucoup, beaucoup à la maison, là, il est rare. Chris, il est autant à la maison qu'à l'école, sérieux, là, puis parce qu'il manque l'école, puis tout ça, puis c'est pas de sa faute, là, c'est l'école, c'est la vie qui fait ça présentement. Là. La place des enfants, c'est à la fucking école, là, je te le dis, là, c'est là qu'il faut qu'il aille. Mon plus jeune, il est heureux tout le temps dans la vie, lui tout, là, mais il a fait beaucoup d'écran aussi là, depuis un an. Là, à son âge, là, c'est socialiser, c'est jouer avec des amis dehors. Là, puis là, Dieu merci, ils le font quand même pas mal avec les voisins et tout. Là, puis une chance, là, mais sinon, là, c'est pas bon. Là, c'est crissement pas bon. Il faut que les enfants ils soient avec des enfants qui socialisent. Là, pas être enfermés avec leurs parents pendant un an. Là, c'est... Il est temps que ça finisse, ce petit COVID-là. Laissez-moi vous le dire. Vacciner, libérer les gens. Libérez-nous, calice, parce que ça va mal aller bientôt. Là. Puis ici, à Montréal, là, c'est pire que pire. Là. Couvre-feu, pas le droit d'être dehors, pas le droit de... T'sais, comme tu pognes une étiquette, quand tu vas dans la cour de ton voisin pour jaser, c'est comme, hey, là, tabarnak, là, faites de quoi, là, tu sais, parce que ça va pas bien aller bientôt. Moi-même, là, qui est très, comme, très passif, puis très accommodant par rapport à toutes ces règles-là, puis tout, là, je vais zéro barricade. Mettez un masque! OK, mets mon masque, tu sais, je fais tout ça, là, sans broncher, sans chialer, je comprends la situation. Il y a la compréhension, puis à un moment donné, il y a aussi la pression, t'sais. Puis là, il y a beaucoup de pression présentement. En tout cas, moi je ressens de la pression présentement, puis on va devoir avoir un certain relâchement bientôt. Là. Parce que si moi, je suis presque à bout, ceux-là qui étaient à bout, quand c'était le temps juste de commencer à mettre un masque, doivent être tabarnaquement à bout, laissez-moi vous dire. Là, je vais boire beaucoup de café. Dans ma grosse tasse de Noël que mon père m'a donnée, grosse tasse. Pour beaucoup de café, j'en ai besoin, là. Puis, mon ami Sébastien Houd me faisait remarquer Seb Brutal de Boulevard Brutal, si vous aimez le métal, boulevardbrutal.com, que je devrais avoir une commandite de café. C'est vrai, ça. S'il y en a parmi vous qui veulent que je commandite votre shop de café ou vous avez un magasin qui vendait du café, whatever, je vous name drop, whatever, écrivez-moi. Consommateur de café, c'est une drogue, je suis drogué au café, puis je me rends... C'est vrai, pareil, hein? Tu sais, mettons, on est dehors l'après-midi, puis je bois pas de café, on bouge, tu sais, c'est vivant, alright, mais rester planté à l'ordi, pas de café, man, oublie ça. Puis faire de la job physique, je peux oublier le fait que j'ai pas eu mon café d'après-midi, mettons, mais... Le matin, c'est sûr que ça m'en prend un. À moins qu'on commence tout de suite, tu te lèves, t'es comme vite, faut faire un déménagement. Tu sais, quand ça bouge, ça va, mais sinon, j'ai pas besoin de café. Je suis même rendu au point où ce que je me demande, il me semble que quand je bois pas de café, ça va moins bien. C'est vraiment une drogue, puis je suis vraiment là-dessus. Peut-être qu'un jour, je vais slacker, mais je pense pas. Je regarde mes parents, tu sais, aller, puis mon père, il boit du café deux fois par jour, comme ça. Mes parents, je pense qu'ils boivent la petite bière à toutes les soirs, petite course, tu sais, bien relax. Mon père aime bien manger des chips aussi. Check la TV sur le divan. Je regarde ce que je fais présentement. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est vrai, on est vraiment comme nos parents. Même ça, moi, des chips, le café, la bière, je bois pas assez d'eau. J'ai la shape de mon père, je pense que j'agis comme lui. Bref, des fois, je dis des choses comme « Wow, je viens de sonner exactement comme mon père. » Tu sais, comme un geste ou... C'est fucké, c'est vraiment fucké la vie, mais c'est comme ça. Donc voilà, hout au café. Oui, donc semaine de relâche, fait que vu qu'on était confinés, ben, j'en ai profité pour faire de la peinture. On a peinturé, moi et ma blonde, la chambre de notre deuxième, notre plus jeune, qui a 8 ans. Et puis c'est une pièce double, vous savez comment c'est à Montréal, c'est souvent des pièces doubles deux pièces doubles de chaque bord dans le sens à longueur. Une qu'on utilise pour le salon, une qu'on a pour notre chambre, pour la chambre de notre plus jeune. Et puis, quand on était étudiant, on séparait ça en deux avec des beaux paravents ou des beaux rideaux. Une moitié était le vrai salon, l'autre moitié, il y en a un qui vivait là-dedans pour qu'on puisse être trois ou quatre en appart. Good times! Un gars dans le salon, c'était sa chambre. Fait qu'il y a une énorme chambre. Puis là, on s'est dit, on voulait faire des séparations, tu sais, on voulait faire ça différemment. On voulait séparer les murs en diagonale, tu sais, en mettant du tape à masquer, dans le fond, là, pour faire des... pas juste un mur vert, un mur bleu, tu sais, comme on voulait couper pour faire des triangles, des formes. Wow! Excusez. Puis, ça a bien été. C'est beaucoup plus de travail, parce que c'est beaucoup plus long. Mais on est très satisfait de la job, puis c'est ça, ça a vraiment pris toute la semaine. J'ai juste fait ça cette semaine. J'ai mal au bras. À force d'avoir le bras dans les airs à peinturer, là, c'est... On a installé des anneaux dans sa chambre aussi, donc là, direct les anneaux au centre qui séparent les deux espaces de sa pièce double. Donc il peut se balancer avec ça. Donc c'est ça, hein? Deuxième, il passe tout le temps un peu... passe par là. Là, il était temps qu'on s'occupe de lui. Fait qu'il est bien content. Fait que ça a été ma semaine de relâche. Pas grand chose de plus à dire sa maudite peinture. Il reste notre chambre à faire. Notre chambre est aussi une pièce double. C'est très grand chez nous encore. Quand ça va être fini tout ça, j'invite tout le monde. J'invite mes Patreons. J'invite tous mes Patreons chez nous. Gros power. M'a fait des saucisses. Puis on va boire la bière. Il y aura de la place. Puis avec la chance, la cour va être faite. C'est notre prochain et dernier gros projet par rapport à l'immeuble. C'est ça. Notre chambre, on l'a fait, elle n'est pas faite encore. Excusez, ma caméra, elle focus, défocus constamment. Là. J'essaie de... De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir dans ce show-là. Hein. C'est juste moi qui parle devant la caméra. Un jour, s'il y a quelqu'un qui veut prendre en charge avec moi ce podcast-là, rajouter du visuel de gameplay ou whatever, en faire une vraie émission, je vous paye, on s'organise. Je vous paye avec l'argent que vous me donnez des Patreons. Non, ça serait pas assez. Alors, notre pièce double dans notre chambre à coucher, à nous, les parents, la moitié sert, bien sûr, de débarras pour mettre de la bouffe, une armoire de papier de toilette, le spot où est-ce que ma blonde se maquille, un ordinateur, les racks à linge qui sèchent, et puis les boîtes de Kleenex. Puis l'autre moitié, c'est notre lit, puis nos vieux meubles. C'est, je pense, puis ma blonde aussi, on est d'accord là-dessus, il serait temps qu'on se fasse un espace à nous, les parents. Un vrai espace que quand tu rentres, c'est comme voici notre chambre à coucher. C'est beau, ça inspire, ça donne le goût de faire l'amour. On fait l'amour en passant, il n'y a pas de problème. Là. Plus même ces temps-ci, c'est bien. Mais faut que ça soit invitant. Faut que ça soit beau, faut que ça soit un lieu doux, paisible. Quand tu te couches ou quand tu vas te coucher, tu rentres là-dedans, c'est comme ok, ici c'est la safe zone. Ici, c'est notre chambre à coucher. C'est là qu'on octroie câlins et caresses. Et puis, faut que ça soit calme, faut que ça soit beau. Faut pas que quand je me revive, je regarde là-bas, je vois des boîtes de Nutri-Grain, puis des boîtes de Kleenex, puis un rack à linge avec des bobettes. C'est ça, tu sais. Fait que, il est temps qu'on fasse ça pour nous. Et puis, c'est là qu'on est rendu. Et puis, faudrait séparer cette pièce-là. Peut-être avoir plus de rangement. Moi, j'ai pas de linge dans la vie. Là. Vous voyez, je suis tout le temps habillé pareil. Dans la vraie vie, à l'extérieur de mon podcast, je suis vraiment tout le temps habillé de même aussi. J'ai pas de linge, j'en parle souvent. Et puis, j'en ai peut-être plus que je pense, c'est juste qu'il n'est pas accessible ou que je me rends jamais jusqu'au fond du garde-robe voir. Tu sais, j'en ai des chemises, hein, je mets jamais de chemise. Mais j'en ai plein de chemises en fait. Je me suis acheté un beau chandail de laine long, tu sais, à mode, là, ça fait bientôt 4 mois de ça, je l'ai jamais mis. Et là, je l'ai décroché du cintre dans le garde-robe parce que il est lourd, tu sais. Fait que le cintre commençait à repousser sur les épaules aussi, puis à faire comme des bosses, là. Je suis comme, bon, il va rester marqué de même, où je l'enlève de là. Fait que là, j'ai mis dans mon tiroir. Puis là, l'été va arriver, puis j'ai pas besoin de mettre ça. Fait que c'est un problème. Faut que je mette mon beau linge, mais en même temps, je viens ici de torcher des cassettes, le manteau sur le dos tout le temps, à course, tu sais. Fait que j'ai de la misère à trouver des moments que ça nécessite que je sois bien habillé. Je compte sur cet été pour refaire un peu, là, tu sais. Fait que bref, du beau linge, une belle chambre à coucher, là, on va travailler là-dessus. On est rendu là. Mais bon, ça, c'est la relâche. Ça fait combien de temps que je parle de ça? C'est ridicule. Y a-t-il un timer là-dessus sur OBS? Je le vois pas. Mais là, grosse nouvelle, ou grosse affaire, après une grosse gorgée de café. Ça mérite une grosse gorgée de café, va vous dire ça après. Pendant que c'était la relâche, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel du courtier avec qui on a fait affaire. En fait, ici, au QG, quand j'ai vu que c'était à Louis, parce qu'il y avait une pancarte Remax sur l'immeuble. Et puis, j'ai communiqué avec le courtier et son numéro de téléphone. Fait que j'ai communiqué avec lui, puis ça a passé par lui, puis après on a vu les proprios, c'est entendu, c'est fait, on est rendu ici. Puis c'était très bien, très cool courtier, pas un vieux monsieur, là, mais un homme, là, un monsieur, là, certainement 65 ans, en belle forme, et puis c'était bien le fun, cool guy. Et puis, j'ai reçu un appel pendant la relâche, c'était lui. Là, je suis comme « Oui, allô? » Il me demandait si j'étais sur place. Et puis, il aimerait, parce qu'il voulait venir voir de excusez, comment on s'était arrangé ici, tu sais, puis comment ça se passe, puis tout ça. Excusez, je rote mon café. Et puis, là, j'y ai dit, ben, je suis à la maison, tu sais, la peinture, puis tout, c'est la relâche, c'est un petit peu plus difficile, mais sinon, au besoin, mon collègue Jonathan est là. Et puis là, il dit, ah ben, oh non, c'est correct, la relâche, au pire, je repasserai après la relâche, là, tu sais. Fait que, ok, raccroche, bye. Puis là, j'en fais pas trop de cas, là, je réfléchis à ça, c'est bizarre ça, pareil, tu sais. Et puis, ma blonde, elle me dit, oui, il y a Anguille sous roche, tu devrais lui écrire. En effet, fait que là, je vais tasser mon téléphone pour voir une notification. Fait que là, j'ai écrit, j'ai dit bonjour monsieur. À titre, j'ai comme senti dans votre appel tout à l'heure que vous vouliez peut-être parler affaires ou quelque chose. En ce qui nous concerne, on est ouvert à tout. Si vous voulez, moi, je suis disponible demain matin, mercredi matin. Parce que je suis venu travailler, en fait, lundi, mardi, mercredi matin ici, puis le reste, j'étais à la maison. Fait que il dit oui, en effet, il y a un peu de ça. Fait que parfait, on se voit mercredi matin. Puis là, j'étais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, notre objectif ici, c'est bien sûr de prendre le rez-de-chaussée éventuellement. Comme je disais, avoir le magasin là-bas et puis avoir le QG ici au deuxième étage, ça le fait parce que c'est pas cher. Le loyer est crissement pas cher là-bas puis il est pas cher ici. Fait que les deux ensemble, c'est pas cher. Et puis, ça fonctionne. C'est juste tannant de se promener du back and forth et puis d'écrire aux employés quand ils ont affaire à nous, on a affaire à eux. Il y a tout le temps deux commis au magasin en tout temps qui font du shipping et s'occupent de vendre des jeux. Mais des fois, qu'on se parle, c'est comme « Hey, peux-tu m'envoyer une photo de tel livret parce qu'il y a un client ou de rien? » C'est ça, on communique beaucoup. Fait que si on était dans le même bâtisse, ça serait bien simple. T'sais, une fois que les jeux sont propres au QG et que l'inventaire est fait, on les descend en bas. Ils ont besoin de nous voir, on descend en bas. Il y a une grosse évaluation, on parle, monte en haut, on check ça. Là, tu sais, c'est ça. C'est la façon que je le vois présentement, tu sais, j'ai pas ouvert l'arcade, un bar arcade en ouvrant un bar arcade. T'sais, ça a été un cheminement. Puis Chris, je me répète, j'ai tout déjà dit ça dans mes épisodes précédents. Fait qu'ici, c'est un entre-deux, tu sais. La présente situation est un entre-deux. Et puis, l'objectif, c'est d'avoir le rez-de-chaussée. Il est super grand, le rez-de-chaussée. Il est 4 fois grand comme notre magasin là-bas. Et puis, il y a des racks partout, tu sais. Puis ici, en haut, on voit bien en bas, c'est connecté de l'intérieur. Donc, je voudrais que ce building-là soit le monument rétro MTL, tu sais. Puis on part de là, puis c'est ça l'objectif. Puis quand on a loué ici, dans le temps, les propriétaires qui ont leur boutique en bas, nous avaient, la madame surtout, mentionné à quel point, tu sais, c'était tough la COVID, ils ont slacké tout le monde, ils font plus bien d'argent, puis peut-être que d'ici 3-4 ans, ils voudraient arrêter ça, puis tout ça. Puis ça a l'air que, tu sais, elle a mentionné ça à quelques reprises, puis il semblerait qu'elle a mentionné ça à quelques reprises aussi au courtier, en fait. Puis là, je pense qu'ils n'ont de plus en plus plein leur casse. Et puis, c'est drôle aussi. Ben, c'est pas drôle du tout. En fait, il y a quelques semaines, il y a eu le feu chez ici à côté, le building voisin, qui est un gros immeuble à beaucoup de logements avec beaucoup de monde. Il y a eu un feu là-dedans. Et là, j'étais comme tabarnak. J'avais tellement la chienne que ça se rentre jusqu'ici. Mais ici, c'est une ancienne caisse populaire aussi. Fait que ça a été construit en 1950, quelque. Fait que, tu sais, c'est une construction récente, probablement full béton, full protégé. Fait que ça, c'est bien. Donc, on n'a pas eu de fumée, on n'a pas eu de feu, pas eu rien. J'étais comme, dude, s'il faut qu'on s'en aille d'ici, moi, je pogne mon ordinateur, je sors dehors, je m'en vais le porter au magasin, puis le reste brûlera. Si on a des assurances, on va prendre des assurances, puis that's it. T'sais. Bien sûr, ça serait un petit paquet de troubles, mais en tout cas, puis on fera un beau reset de ça. Brûler tous les livrets, tabarnak. Brûler, pas besoin de gérer ça. Puis on a reçoit tellement de stock présentement. Je vais en parler plus tard. Fait que c'est ça. Mais bon, il y a eu un feu à côté, tout est correct, on n'est pas affecté. La côté, c'est pas correct du tout. C'est triste pour les gens qui habitaient là. Puis peut-être que ça a secoué encore plus les propriétaires. C'est là que je voulais en venir. Puis c'est ça. Donc le courtier, la madame, tu sais, elle en parle de plus en plus. Puis donc le courtier est venu ici. Puis le mercredi matin, on s'est assis, on a fait le tour, on lui a montré ça, c'est bien le fun. Puis ce qu'il nous offrait, c'était d'acheter l'immeuble. Ça, c'était quelque chose que je veux aussi, bien sûr. Idéalement, en fait, j'aimerais qu'on achète l'immeuble et que ça soit ici chez Retro MTL. Et puis, dans le fond, ce qu'il nous expliquait le courtier, c'est que lui, il est comme le courtier de la famille, si on peut dire. Parce qu'ils sont arrivés ici en 2012, les propriétaires, avec leur boutique d'items religieux. Mais avant, ils étaient sous le plateau, là. Je ne me rappelle plus exactement. Puis ah, ben, tiens, j'ai la photo ici. Non, j'ai pas la photo. Puis, il nous a montré ça. Vous voyez, il était ici avant, dans un immeuble à 3 étages. Puis, c'était la business du père du propriétaire. Puis eux, ils étaient là-dedans aussi. Fait que bref, ils roulaient ça depuis longtemps, le bonhomme, les affaires religieuses. Mais ils étaient sur 3 étages. Puis ils trouvaient ça tough d'avoir du staff sur les 3 étages. C'était trop de staff pour rien. Sinon, tu sais, fait que tout le monde monte, descend les escaliers, tu sais. Puis ils étaient vieillissants. Fait que l'immeuble convenait pas. Fait qu'ils ont vendu là-bas avec ce courtier-là. Puis ils ont acheté ici. Ils sont arrivés ici en 2012. Puis depuis ce temps-là, ce courtier-là, comme il est comme un peu courtier ami de la famille, dans le fond. Fait que il est bien sweet puis bien connecté avec les propriétaires ici. Donc lui il est au courant que eux en bas sont un peu tannés puis que tu sais ils prendraient peut-être leur retraite bientôt. Là. Fait que ce qu'ils veulent, lui ce qu'il se dit, bien, il veut faire une vente là, je pense là. C'est pas les propriétaires qui sont montés en haut puis ont dit genre hey achetez ça ici là on n'est plus capable. Tu sais eux font leurs petites affaires puis ben s'ils pouvaient vendre ça soit pas trop compliqué puis à bon prix ils le feraient sûrement puis ça serait ça. Or, c'est ce que le courtier a enregistré et c'est ce qu'il venait nous proposer. Mais c'est ça. Donc, l'immeuble ici, si on veut l'acheter, lui, il évalue ça à 1 million de dollars. On a besoin de 1 million de tomates. Ça, c'est beaucoup d'argent, mes amis, surtout pour des ploucs comme nous autres qui n'ont pas tant d'argent que ça. Et puis, c'est ça. Mais tout ça, c'est toujours des gros chiffres. Hein? Stadium Event, 16 000$, c'est un gros chiffre. Un immeuble, 1 million $, c'est des gros chiffres. Faut pas mettre des barrières autour de soi quand il y a un gros chiffre. Faut pas avoir peur des gros chiffres. 1 million, c'est pas grand chose que. C'est pas tant de choses que ça dans une vie. J'ai pas 1 million $. Gagner 1 million $, c'est comme wow! Mais tu sais, comme acheter quelque chose qui vaut 1 million $ avec des paiements, peut-être possible, tu sais. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on... Là, c'est compliqué. Bien sûr, l'entreprise ici, quand tu vas acheter un immeuble commercial, je pense que la mise de fonds, c'est certainement au moins 20%. Et puis, mais je sais pas s'il y a d'autres règles par rapport à ça. J'ai jamais acheté de commercial, mais c'est à vérifier. Donc, disons que pour acheter ça ici, ça nous prendrait un bon cash down, là, 250 000$. T'sais. Fait que... Ce qu'il faut faire, c'est que la compagnie ici, qui a juste bientôt 2 ans, n'a pas un grand historique de crédit. Tu sais, je veux dire, la business va bien et tout, mais on n'a pas 100 000$ de côté non plus. Tu sais, on se paye, puis on réinvestit continuellement dans le développement de l'entreprise. Là, tu sais, fait que ça fait pas 10 ans qu'on existe, puis on a un gros coussin, puis on va acheter un immeuble. Mais est-ce que l'entreprise est capable d'en fournir une partie de ce cash down-là? Peut-être. Ça faudrait que nous, les propriétaires, on fournisse un bon cash down et que l'entreprise en fournisse un. En fait, la façon que je vois ça, faudrait que nous, les propriétaires, on injecte de l'argent dans l'entreprise pour que l'entreprise soit en mesure de payer le cash down d'1 million et puis d'avoir une hypothèque. T'sais. Et puis, l'hypothèque, pour 1 million de dollars, en donnant 250 000$ en partant, comme cash down, Si tu prends le reste, tu le divises par 20 ans, mettons, ben ça fait moins de 5000 par mois, tu sais. C'est pas si cher que ça, là. C'est pas si cher. C'est à peine plus cher, tu sais, que nos deux loyers combinés ici, là. Puis, si, hein, puis là-bas et ici, nos baux, nos bails vont se terminer en même temps, dans 3 ans. C'est certain que dans 3 ans, si on n'a pas trouvé une solution, on va pas rester splitté en deux. D'un, ils vont booster notre loyer là-bas, puis ici, je sais pas où est-ce qu'on va en être, tu sais. Fait qu'il est rendu là, il va-tu falloir louer un espace commercial à 10 000$, tu sais? Probablement. Fait que moi, ce que je veux, c'est que je veux qu'on trouve une façon d'être propriétaire de l'immeuble ici pour que on paye notre hypothèque. Au lieu de payer un loyer à quelqu'un 5 000$ ou 10 000$ dans 3 ans, ben on va se payer une hypothèque à nous-mêmes, tu sais, puis cet immeuble-ci va nous appartenir. C'est ça le but, là, tu sais. Moi, je veux être copropriétaire d'un immeuble qui vaut présentement 1 000 000$ et qui, je sais-tu, moi, dans 5 ans, va en valoir 1 200 000 300 000, tu sais. C'est ça qu'il faut, là. C'est un investissement. Puis, tu sais, moi, dans mes REER, là, j'ai 100 000$ de REER, OK? J'ai fait 6 000$ cette année avec ça, là. C'est pas beaucoup d'argent, ça, pour un gros tas d'argent comme ça. J'aimerais bien mieux. Moi, j'ai mis beaucoup de REER dans la vie, tu sais. Ça m'a aidé, mais en même temps, ça me nuit dans un sens parce que ça va m'aider plus tard quand je vais être vieux. Mais calice, j'ai besoin de cet argent-là maintenant pour faire des moves comme ça, tu sais. Parce que j'aime bien mieux mettre 100 000$ pour acheter un immeuble qui va prendre bien plus de valeur qu'un maigre 6 000$ par année, tu sais. C'est de la merde, ça. L'immobilier rapporte bien plus à chaque année que les REER et les CELI ou whatever. Cependant, je suis pas bon ou je connais rien dans les marchés boursiers, la gestion d'argent. Moi, je donne ça à un conseiller financier qui le place, tu sais, comme de base, mettons, avec certains paramètres. Et puis, c'est ça que ça donne. Quand tu es capable, quand tu as les skills et aussi l'intérêt de te mettre dans l'argent comme ça, puis bouger tes placements, puis de, tu sais, c'est sûr que tu peux faire bien plus que 6 000 par année avec 100 000 piastres de côté. C'est sûr. Mais moi, non. j'ai pas cette patience-là. Je serais pas capable de connaître ça assez pour que ça vaille la peine, tu sais. Puis ça, c'est trop de chiffres, tu sais. Ma tête est pas faite pour ça. Fait que ça, je peux pas le faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est acheter de l'immobilier puis le laisser fructifier, tu sais. C'est comme ça que je marche, moi, dans la vie. J'ai commencé au salaire minimum à 23 ans en sortant de l'université à genre 13$ de l'heure dans ce temps-là. Ben, tout de suite à ce moment-là, je mettais genre 20$, 30$ par mois dans mes REER. Virement automatique, c'est la vie ça, les virements automatiques, guys. L'épargne, il faut mettre de l'argent de côté tout de suite, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que quand on est arrivé à, alors j'avais 33 ans, ben, j'avais presque 30 000 piastres dans mon compte en mettant de l'argent de côté dans mes REER à chaque année pendant 10 ans. Et puis, j'en mettais plus que mon petit 20 piastres. Avec les années, j'ai augmenté. J'avais un taux d'impôt, je crissais ça là-dedans, tu sais. Fait que j'ai été capable de rapper un bon 25 000. Puis ma blonde a rappé aussi pour l'achat d'une première maison à l'âge de 33 ans. Puis cette maison-là, après avoir vécu 7 ans dedans et avoir élevé nos enfants, je deviens un peu plus grand et qu'on soit à l'aise de partir, ben, je me suis retrouvé avec un chèque de 200 000 piastres de profit. Puis avec 200 000 piastres de profit, j'ai acheté un gros plex dans lequel on a tout injecté notre argent là-dedans. Puis qui va valoir facilement lui-même 1 million très bientôt parce que je regarde les marchés présentement, là, je regarde l'immobilier présentement, là, c'est incroyable. Nous autres, on a un triplex là, tu sais, dans Rosemont, là, proche de Masson, dans le cœur du vieux Rosemont. Puis... il se vend, ça va faire 3 ans qu'on est là, et puis il se vend sur notre rue, juste des deuxièmes étages de duplex en condo, là, le même prix que notre triplex qu'on a acheté il y a 3 ans. T'sais. Fait que c'est clair que mon immeuble vaut 1 million. T'sais, moi, j'aurais jamais réussi à placer ces argents-là pour faire des centaines de milliers de dollars de profit à bourse. Là, t'sais. Par contre, Chris, man, mes propriétés, t'sais, c'est comme ça que tu te fais un parc immobilier en fait. Tu rachètes un immeuble, il prend de la valeur, tu le réhypothèques pour prendre ce chunk d'argent-là, pour en acheter un autre, il prend de la valeur. t'en revends un, puis tu prends beaucoup d'argent pour en acheter peut-être un ou deux autres maganés que tu rénoves. Tu sais, c'est les flips et puis l'argent. Bon, ça peut partir bien loin. Ben moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu sais. Et puis, pour en revenir à l'immeuble ici, il vaut, d'après moi, il ne vaut pas 1 million non plus. Ce qui se passe là, c'est que le courtier, s'il est capable d'aller en bas et dire au propriétaire, les petits gars en haut vont vous l'acheter. Et vous allez avoir un chèque de 1 million et puis avec une avance de 250 000 piastres, ou tu sais, comme ça fait une belle retraite, ça. 1 million de dollars, on prend notre retraite, tu sais, c'est le même qui va le vendre au propriétaire. Moi, j'étais plus dans l'idée que ça valait 800 000 ici, là, pour être franc. Fait que je veux pas non plus payer la retraite à personne, surpayer, et puis parce que tu sais, c'est long avant de refaire ces profits-là, là, une couple d'années, là, tu sais. Mais c'est ça. Donc, moi, je le vois comme ça. T'sais, si je peux sortir, je sais-tu, moins 50, 60 000 de mes REER pour acheter ça ici, là, il va falloir que je paye de l'impôt dessus, ça va faire mal. Mais c'est un pensez-y bien, là, t'sais, c'est où je vais prendre de ma marge hypothécaire qui m'en reste encore un peu. T'sais, je sais pas, là, je peux gratter à des places, là, t'sais. Mais c'est beaucoup d'argent, là, à trois gars, là, 250 000 piastres, plus la compagnie. Fait que je suis en train de faire ça, je suis en train de monter un dossier pour envoyer à notre institution financière. J'avais déjà fait l'exercice avec un autre immeuble qu'on avait vu qui était moins cher quand même. Là. Mais c'est ça, moi je suis bien excité par ça. Si on pouvait être propriétaire ici au lieu de donner l'argent à quiconque. Tu sais, l'immeuble n'est pas sur le marché non plus. Puis je pense que les propriétaires, s'ils pouvaient comme le vendre sans se faire chier à aller sur les marchés, puis de gosser là-dedans puis nous le vendre easy peasy à nous autres, ils le feraient parce qu'eux autres ils aiment ça, les transactions relax. Hey, ma caméra est vraiment pas focus, man, c'est fou. Donc c'est ça, vous comprenez, le courtier va faire une vente, 1 million, on va voir le propriétaire, écoutez, ça va être facile, les petits gars vont l'acheter, c'est 1 million, faites-leur pas de trouble, ils vont ramasser ça, c'est fini, c'est réglé, c'est, l'enjeu il est là, tu sais. Mais c'est sûr qu'on est gagnant à posséder de l'immobilier. Ça, c'est sûr. Malheureusement, ça arrive à un moment où est-ce que la compagnie est très jeune, comme je vous dis, puis nous, les propriétaires, chacun de notre bord, moi, j'ai fait des gros investissements sur mon immeuble, justement, tu sais. Fait que je peux pas... faudrait que je creuse, là, pour essayer de trouver des fonds, mais tout est possible. Faire de l'argent avec pas d'argent... C'est de même que je m'en sors dans la vie. J'ai jamais eu une année avec une paye de plus que 50 000 piastres dans ma vie et pourtant j'ai des actifs quand même pas pires. Fait que faut que je trouve une façon de posséder cet immeuble-ci. Mais ça peut être avec d'autres personnes aussi. T'sais, moi, je peux l'acheter avec un de mes amis qui achète de l'immobilier, puis on va le louer à Retro MTL, t'sais, puis ça va être mon immeuble avec d'autres personnes qui sont propriétaires ici. C'est juste qu'il faut que je voie. Si on fait ça, si on l'achète séparément, si on l'achète, j'ai-tu moi puis deux autres, je dis n'importe quoi, là. Moi puis deux autres de mes amis, on peut l'acheter ensemble, se faire une compagnie pour l'acheter, mais là, il faudrait que ce soit la compagnie Retro MTL qui possède l'immeuble, j'imagine, pour pouvoir, tu sais, ici, c'est 20 000 piastres de taxes par année, là. Fait qu'on, pour avoir, pouvoir déclarer ça, puis avoir un retour là-dessus, les taxes, le... C'est pouvoir bénéficier de tout ce qu'on peut déclarer en dépenses et en taxes ici, dans le fond, ce qui fait une très grosse différence. Il faudrait que ça soit Retro MTL qui en bénéficie. Donc, c'est ça. J'ai eu beaucoup ça dans la tête aussi pendant la relâche, pour être franc. Et puis là, c'est ça. Puis j'avais pas mon ordi à la maison, puis on avait déjà fait l'exercice, comme je vous disais, puis j'avais déjà des emails d'envoyer, des documents, puis tout. Fait que, puis la comptable était pas présente, la comptable était pas à son bureau non plus. Fait que là, on est revenu au travail, puis là, je peux me mettre les mains là-dedans un peu. Fait que je vais essayer de checker ce dossier-là. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Quelqu'un d'autre peut l'acheter, l'immeuble ici, puis on va louer le rez-de-chaussée si la personne est prête à nous le louer, en fait. Je pense que. Il y avait déjà un autre candidat potentiel au dire du courtier, puis le candidat lui-même n'avait pas l'intention de s'installer en bas ou quoi que ce soit, il voulait juste posséder l'immeuble. Fait que si quelqu'un l'achète, puis qui communique avec nous, on va dire, ben check, on va le louer au complet, ça va être 5 pour toi, là. On te le loue, that's it, un beau contrat, un beau bail de 5 ans, à tel prix, même 10 ans, 10 ans à tel prix. Puis là, tu lock ça pendant 10 ans, c'est parfait de même, tu sais. Fait que, on fera ça au pire, là, tu sais. Mais moi, ce que je veux pas, c'est être obligé de déménager ici, puis aller me ruiner ailleurs, tu sais, sur un loyer pas possible, alors que là, on a la possibilité d'avoir un bon deal, tu sais. Fait que, je dis ruiner, peut-être que les ventes vont continuer de monter, puis que 10 000 $ ça va être une joke, là, tu sais, d'ici 2-3 ans, j'en ai aucune idée, là, tu sais, ouais, qu'est-ce qui va se passer avec la business ici. Mais ce qui se passe avec la business ici, par exemple, c'est qu'on achète beaucoup de lots présentement, là, sérieux, puis on en flash un peu des fois sur Facebook. Un lot d'Amiibo, un lot de ci, un lot de ça. On n'a même pas le temps de tout vous montrer, tout ce qui rentre, sérieux, là. On achète vraiment plus qu'on vend présentement. Fait que le compte, il descend, il descend, il descend. C'est correct, ça prend toujours de l'inventaire, là. Mais là, on n'est pas riche, là. Puis vendredi, il y a un gars qui arrive aussi de Thetford Mines. Qu'on y achète un lot encore, j'avais comme oublié un peu qu'on avait bidé là-dessus, qu'on l'avait gagné. Fait que, il s'en vient vendredi, fait qu'il y a beaucoup de jeux à passer, puis on a besoin de plus de staff, tu sais, mais là on augmente encore la masse salariale ici, puis on achète beaucoup, fait qu'on est de moins en moins riche parce qu'on réinvestit constamment, tu sais, c'est ça. On a de la misère là, à fournir, là, moi et Joe ici, à nettoyer les jeux. Puis je pense qu'il va falloir rappeler nos autres employés qui viennent nous aider encore là, le jeudi puis le vendredi pour en sortir un peu plus. Pour fournir excusez les gars de web. Fait que c'est ça, ben, c'est ça qui est le fun. Par contre, présentement, on achète beaucoup de stock. Puis, si jamais on n'arrive pas à acheter l'immeuble, ça sera ça, tant pis. Mais ça serait plus stressant. Tu sais, c'est tout le temps un coup à donner. La première maison, tu sais, on était en appart, moi, ma blonde, là, puis ça nous coûtait, on avait, dans le même quartier qu'on est présentement d'ailleurs, sauf sur une couple de rues plus loin, ça nous coûtait 1000 $ pour un très grand 6,5, dans le fond. Là. Dans ce temps-là, 1000 $ un appart à deux, c'est comme, oh, c'est cher, hein? Puis là, comme crime, pour une hypothèque de 1200, on aurait peut-être une maison, tu sais. Puis finalement, bien sûr, ça a été plus que 1200. Puis là, tu achètes ta maison, tu es comme, hey, tabarnak, on est rendu à 1500 l'hypothèque, plus le toit magané, plus taxe de bienvenue, tard, les taxes, les tu sais, c'est le premier coup, tu sais, arrivé, genre, ça fait mal. Puis le gros move, ça fait mal, puis ça fait peur. Puis t'as peut-être de la misère à dormir, puis tranquillement, ça passe, tu sais. Comme le triplex, ça coûte cher, là. Sérieux, ça me coûte cher. On a mis beaucoup de cash down dessus, sinon on n'aurait même pas pu habiter là, là, tu sais. Grâce au gros cash down, on fait baisser notre hypothèque, nos paiements mensuels, mais c'est pas donné, là. C'est quasiment pas donné, là. C'est beaucoup d'argent, et puis au début, on est comme... J'espère qu'il n'y a rien qui va péter, parce que je la chienne, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est beaucoup... Si c'était facile, tout le monde le ferait. Hein? Alors, c'est pas facile. Il faut se mettre la corde au cou. Faut pas se mettre la corde au cou. Il faut oser. Il faut prendre des risques calculés. Et puis, c'est des risques. Mais très franchement, l'immobilier, c'est l'immobilier. Moi, je trouve pas que c'est un business risqué du tout. On l'achète dans 2 ans, rétro-MTL, ça marche plus. On ferme tout ça, on vend toutes nos cassettes. Ben, on continue de posséder l'immeuble quand même. On peut continuer à le louer au complet. Puis à un moment donné, il va être payé, il va nous appartenir. Ça va être, voilà, ça va, c'est à nous, c'est un acquis. Ou on peut le vendre à profit, on va le vendre dans 2 ans. On fait de l'argent dessus là, quand même. Là. Fait qu'on va jamais perdre d'argent à posséder de l'immobilier, là, tu comprends? À moins d'avoir acheté un citron, là. Mais ici, ça semble pas un citron. Donc, c'est un risque. Il n'y a pas vraiment de risque. C'est juste un coût à donner, tu sais. Fait que c'est ça. Ah, bon, mon café tiédi. Ah! Oh, on va parler de jeux vidéo. On est-tu là pour ça? 2 fois. Fait que je fais beaucoup d'upgrade NES présentement. Je me suis rendu compte avec les années. En collectionnant le Game Boy, en fait, je me suis rendu compte que puis je voulais tout le temps les numéros de série, les first print, puis juste des jeux US, tu sais, je voulais pas des jeux canadiens. Donc le c'est tout le temps mettons attendez. Attendez un peu là. OK. Je vais essayer de vous montrer. Là, en collectionnant le NES, voyez ici, là, c'est United. Voyez en haut, c'est NES NES. Hey, excusez, ça vient. J'ai comme roté. NES-1C-USA. Ça, c'est un first print USA. J'ai pas beaucoup vu de second print tant que ça au niveau du NES. Game Boy, il y en a beaucoup, beaucoup. Au NES, il y en a moins. S'il y en avait un second print, ça serait NES-YC-1. Puis si vous avez vu sur ma page Facebook hier, j'ai publié les Wayne Gretzky Hockey. Ben, c'est USA-1, USA-2, USA-3. Puis s'il y en avait 4, ben, ça serait 4. Donc, c'est ça. Moi, je veux juste USA. Premier print américain. Puis là, je me suis rendu compte en collectionnant que j'ai des variants. Puis j'ai beaucoup, pas juste des variants, j'ai des jeux canadiens. Parce que Nintendo, toutes les franchises à Nintendo, ils font des versions aussi nord-américaines, canadiennes. Fait que surtout les first print, les jeux Black Label, là, Kung Fu, Excite Bike, Donkey Kong, tout ça, c'est 50-50 là, des versions canadiennes là-dedans. Fait que faut checker ça. Des Mario Bros, man, il y en a plein, là, Super Mario, excusez. Il y en a plein, des canadiennes, des américaines, des first print, des second print de chaque. Tu sais, des Kirby français. Ça, c'est différent, Kirby en français, parce qu'il est en français. C'est comme Zelda, c'est le fun à avoir. Mais mettons ici, je vais vous montrer l'exemple de Super Mario 3. Vous voyez, NES-UM-CAN, C-A-N, donc version canadienne, puis -1. Donc, non seulement, avec la bande rouge en haut, donc non seulement ça, c'est une version canadienne, mais c'est la version canadienne second print. Moi, j'avais collectionné ça dans le temps parce qu'il était différent, il y avait une bande rouge dessus. Mais là, j'ai décidé de très analement changer ça et puis de sortir de ma collection tout ce qui est canadien, tu sais, le plus possible, là. Sauf Kirby, que je vais avoir aussi la version canadienne parce qu'elle est en français. Mais sinon, je veux sortir de ma collection tout le Canada. Parce que de un, ça n'a pas de valeur. Les versions canadiennes, ça fait chier les Américains. Le market, c'est US, c'est pas le Canada. Là. Si je veux revendre ça au Canada, j'ai pas de problème. Là. Genre 98% du monde s'en calisse que ça soit des versions canadiennes ou américaines. Moi, non. Je veux que ma collection soit US. T'sais. Je veux que toutes mes collections soient US first print le plus possible. Et s'il y a aussi des variants au niveau du label, des variants importants, comme les Wayne Gretzky Hockey, que là, ils changent de jersey. Ou bien le jersey, il n'y a plus le logo des Kings dessus. T'sais. Untouchables, il y a deux labels complètement différents. Metroid, la version classique, et puis Metroid, le cover jaune. Tu sais, ce genre d'affaires-là, je veux ça. Super Mario Bros. 2 aussi, un petit variant différent. Et puis la trilogie Super Mario, Duck Hunt et World Class Track Meet. Il y en a un que le Mario, il y a des pantalons rouges et la chemise blanche. Et puis l'autre, c'est inversé. Vous avez vu ça sur mon Facebook aussi. Donc, même Bump and Jump. Je ne suis pas sûr si c'est le variant et que c'est canadien ou US, par exemple, mais dans le titre Bump, le O, c'est comme une petite roue, là, c'est comme une. Voyons. C'est ça, c'est une roue, dans le fond. Mais il n'est pas pareil sur les deux variants, juste ce petit détail-là. Je ne sais pas si je vais me rendre jusque-là, mais quand le label est très différent, tu sais, j'aime avoir les deux. Là. Quand les deux Gunsmoke, tu sais, c'est pas pareil, pas en tout, là, tu sais. Fait que ça me plaît, mais il faut que ce soit des US First Print. Ou second print. Ça va être des second print, bien sûr, quand le label est variant, mais il faut que ça reste US. Donc, Untouchables, US first print, c'est le label noir. Et puis, le label bleu, ça va être US-1, t'sais. Le second print. Donc, je suis beaucoup, beaucoup là-dessus présentement. Puis là, je me suis rendu compte que mon Star Tropic, c'est la version canadienne. Là, c'est plate parce que... Ben, c'est plate. C'est merveilleux parce qu'il est complet avec la lettre intact, tu sais, de ton oncle et tout le kit, un beau CIB, mais canadien. Là, j'aime pas ça. J'ai décidé de sortir ça. Puis, j'ai juste gardé le cart US. Je me suis trouvé un cart US. Puis, je sortis ça de ma collection. J'ai commencé ce délire-là parce qu'on a acheté beaucoup de jeux NES là, dernièrement. Ici, je retrouve MTL en boîte et tout, mais du LOS aussi. Fait que là, je me dis, c'est vraiment le temps pendant que j'ai un magasin de jeux vidéo, de faire toutes les upgrades le plus possible. Fait que là, même non seulement ça, je repasse tous mes jeux NES un par un. Et comme vous avez vu dans ma bibliothèque, dans le fond, que j'ai fait faire, les jeux NES, ils sont proches du bord de la tablette. C'est pas j'ai mis un genre de stopper en arrière qui fait qu'il y a cote à mi-chemin de profondeur. Fait que, tu sais, vu l'épaisseur de la cassette, le bord, le front de la cassette, il est proche du bord. Là, j'ai enlevé stopper, j'ai repoussé vers le fond mes jeux, et puis je ressors un peu chaque jeu qui est canadien ou qui a besoin d'un upgrade. J'ai plus de jeux, j'ai genre 3-4 jeux là, qui sont en mauvais état vraiment, que tu regardes, tu comme oh. Mais les autres, c'est très léger, là, les blessures, là. C'est juste un petit coin de l'épaule qui est pas beau. Ben là, je suis anal all the way là-dessus, je ressors un peu du lot. Tous ces jeux-là qui ont un petit défaut. Et puis, c'est long, là. C'est 600 quelques jeux à checker un par un tout le tour. C'est-tu un USA? C'est-tu un beau label? C'est-tu... Puis là, je vais tous les ressortir un par un. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait bien plus de jeux que je pensais qui étaient plus ou moins en bon état. Des cartouches jaunies, genre des affaires de même. Vu l'éclairage aussi, des fois, je voyais pas très bien. Donc là, je vais vraiment mettre en highlight dans mon téléphone. Je vais cocher « Wanted » à toutes les... J'ai toute la collection. Fait que je « Wanted » rien. Fait que je vais mettre Wanted tous les jeux qui ont besoin d'un upgrade ou qui sont canadiens. T'sais, mettons mon Balloon Fight, ça c'est anal encore plus. Mon Balloon Fight, il est pas un 5 screw. Parce qu'il y a des jeux NES qui ont 5 vis en dessous au lieu d'avoir les deux clips ici en avant et juste 3 vis en arrière. Ils ont deux autres vis de plus. Donc tous les jeux early NES, il y avait ça. Et puis, puis il y a eu des reprints de ça, qui sont genre marqués comme first print, me semble. Fait que mon Balloon Fight, il est late release, first print, avec un logo, avec un Nintendo seal ovale, comme ça qu'on connaît tous. Mais dans le temps, c'était un seal rond et noir et gold, tu sais. Fait que les vieux comme ça, je veux toutes des 5 screws. Même que quand c'est possible, je veux des 5 screws de tout. Tout ce qu'il y avait de 5 screws au départ, tu sais, je vais essayer de les ramasser, puis ça va être les versions que je vais garder. Mais là, même si j'y arrive pas, c'est pas grave, tu sais, je vais pas m'empêcher de dormir la nuit. Mais c'est fou, hein, parce que tout ça, ça me donne du travail, puis comme ça me reste dans la tête, c'ti. Fait que je suis comme content d'avoir débarrassé bien les affaires de ma collection, rien que pour, tu sais, focus, là, ben comme faut mon S, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, je ramassais avec le temps. Ah, j'ai pas la boîte de tel jeu. Ah, ben là, hey, j'ai trouvé la boîte dans le Game Zone, tu sais. Ouais, j'ai pogné un livret par-ci, j'ai un livret par-ça, je mets tout ça ensemble. Ouais, j'ai un CIB. Chris, je regarde ça comme fou, hein. C'est pas correct pantoute. Mon jeu, il est US-1, ma boîte est canadienne, puis mon livret, il est US, tu sais. Fait qu'aucune des trois affaires marche, là. Faut que ça soit la même affaire pour les trois, tu comprends? Dieu merci, tu sais. Pour ce qui est du US canadien, au NES, c'est très simple. Là. Ce qu'il y a de canadien, c'est ça, c'est toutes les franchises Nintendo. Donc, toutes les Black Box, les affaires comme Star Tropics, Metroid, Punch-Out, tu sais, toutes les franchises de Nintendo. Mais tout ce qui est Capcom, Konami, Acclaim, name it, il n'y a pas de version canadienne de ça. Fait que ça, c'est... Puis ça représente, tu sais, une très grande partie de la collection. Donc, il n'y a pas de trouble à avoir avec ça. Hey, même pire, Tetris au NES. Tetris, tu sais, le 1. Je me suis rendu compte que j'avais deux variants. Donc, le de base et celui avec la bande rouge dans le haut, comme ça. Mais là, en regardant ça, c'est version canadienne et version canadienne 2. Je suis comme, wesh! Fail all the way, tu sais. Je veux pas ça, là. Fait que ça me prend une version US de Tetris, de base. Puis, me débarrasser de ces deux-là, là, tu sais. Fait que ça fait des ça fait des changements dans ma collection NES. Puis je vais sortir des boîtes là aussi, tous les Mario en boîte là, ça me fait pas tant plaisir d'avoir ça, je capote pas sur Mario dans la vie là, pour être franc. Le seul Mario que je voudrais vraiment c'est Super Mario World en boîte, pas Player's Choice mais de base au Super NES parce que c'était crissement rare. Puis ça je trouve ça beau, puis je trouve que c'est un grand jeu, mais avoir les Mario au NES en boîte, ça me rend... J'aime mieux avoir d'autres jeux à la place, là, tu sais. Fait que je vais libérer ça. Star Tropics aussi. Ça me fait pas capoter tant que ça. Fait que ce que je fais là-bas, là, je ressors des affaires de ma collection, puis je pitch ça, là. Fait que j'ai bien du plaisir à faire ça présentement. Puis, puis c'est ça, tu sais, je vends aussi toutes mes Tengen. J'avais micro-machines aussi dans les unlicensed. Je débarrasse toutes mes unlicensed parce que j'ai ma flashcard. Mon Everdrive, NES, j'en ai parlé. Puis là, j'ai commencé à y jouer beaucoup. Je vous parlais de mon problème de télé. Que les télés sont toutes prises. En fait, la télé du haut n'est pas tant prise que ça non plus, la télé du salon principal. Fait que j'ai monté mon analogue NT Mini en haut. Et puis là, je joue au NES en haut. C'est merveilleux. Et puis, j'ai finalement réussi à trouver la façon de faire des sauvegardes, des save states. Donc là, je me pars plein de games. Puis quand ça me tente plus de jouer, je save exactement où je suis rendu. Puis that's it. Mais ce que je veux pas faire, c'est genre... Quand j'ai une bonne run, je me rends au boss de fin. Là, je me save là avec toutes mes armes. Parce que là, je vais tout le temps recommencer au boss de fin avec toutes mes armes. C'est sûr que je vais le péter à force de pratiquer. Comprenez? Je vais me sauvegarder plutôt au début du niveau. Parce que quand je meurs au boss de fin, je recommence au début du niveau avec rien. Fait que moi, je veux comme le faire legit, tu sais. C'est niaiseux, le monde, c'est comme, on s'en fout, là, finir. Ben, moi, personnellement, si je veux comme finir un jeu et joindre le groupe Finir des cassettes sur Facebook, je veux le finir. C'est legit, là. Si je jouais continuellement, puis que je crevais tout le temps, puis il continue, il me ramène au début du niveau. Il me ramène pas avec toutes mes armes au boss de fin, tu comprends? Fait que j'essaie de le jouer legit comme ça. Fait que je me suis parti plein de games. J'ai tout le temps voulu finir Rainbow Island, qui est comme au NES, qui est comme Adventure Island 2. Mais tu montes à la verticale de même, puis t'es un petit bonhomme, t'es comme version humaine des petits dragons. Puis tu lances des arcs-en-ciel sur lesquels tu grimpes. Donc, c'est un jeu que j'ai tout le temps... La pochette est vraiment laide, mais je la trouve belle dans sa laideur. J'aimerais ça avoir le CIB de ça. Et puis, c'est un jeu que je trouve intéressant, le fun. J'aime ça, moi, les bubble-like games. J'aime quand même beaucoup ça. Puis, celui-là, il est assez unique. Mais il est dur. Il y a 7 mondes avec 4 niveaux par monde. Et puis là, je suis rendu au 5. C'est un jeu qu'il faut que tu laisses sur pause parce qu'il n'y a pas de password, il n'y a rien. Fait que, puis Chris, ça monte vite, là, je suis rendu au monde 5, ou 4 même, tabarnak, là, il y a du monde à l'écran, là, ça revole partout, puis c'est pas si facile que ça, grimper sur tes arcs-en-ciel, parce qu'ils font une curve, puis très vite, ton personnage, il monte, puis il est au top de la curve, puis là, whoop, la tête, elle dépasse, tu sais, de la plateforme supérieure, puis il y a quelqu'un qui te touche, donc, c'est très dur de, tu peux monter super vite le niveau, mais des fois, par accident, tu vas trop vite, tu sais, tu dépasses, bref. C'est dur à expliquer, mais c'est un jeu NES vraiment le fun. La musique est répétitive, tout le temps la même, par exemple. Ça, c'est un peu pénible, mais au moins, elle est plaisante. Ça fit le jeu. C'est un jeu que j'ai tout le temps voulu finir, mais que je n'étais jamais capable parce que c'est ben trop long. Là, t'sais. Ben là, je sauvegarde exactement où je suis rendu. Puis that's it. Fait que là, j'ai cette game-là qui joue. Je me suis reparti une game de Bucky O'Hare aussi, de Red de même, pour le plaisir de le refaire, parce que c'est vraiment bon, NES, Bucky O'Hare, un jeu que vous devez avoir dans votre collection. Et qui a pris beaucoup de valeur dernièrement. Les excellents jeux rares au NES prennent de la valeur avec les années. Fait que soyez pas surpris. Puis sur mon Everdrive aussi, c'est Michael Baroque Larouche du podcast La Chaka Cassette qui m'a setupé ça. Non seulement il y a tout le NES, non seulement il y a tout le Famicom, mais il y a aussi le Famicom Disk System. Et là, c'est malade, j'explore ça un peu, tu sais, j'essaye des affaires. Il y a bien de la merde là-dedans, c'est sûr. J'ai retrouvé Bio Miracle boucoté ou pas, a.k.a. Mario Baby, ici en Amérique du Nord, que Micro Genius avait fait un bootleg, là. C'est pas Mario Baby du tout, mais vous savez probablement de quoi je parle. C'est un platformer super le fun avec un bébé qui marche à quatre pattes. Il y a un hochet qui fait gonfler les ennemis que tu peux embarquer dessus ou juste les bumper puis les envoyer sur les autres. Tu ramasses du lait, tu sais. Puis tous les niveaux, c'est genre le niveau de la bouffe, le niveau des gâteaux, le niveau des fromages, le niveau de l'école. Fait que c'est des thèmes comme in your face, là, totalement. Le monde des jouets, tu sais, le monde des étoiles. C'est magnifique. C'est un magnifique platformer. C'est vraiment le fun. La musique, tout. Et puis, mais ça existe juste au Japon. Puis, je savais même pas qu'il l'avait au Famicom Disk System. Je savais qu'il l'avait au Famicom. Donc, je veux le finir au Famicom Disk System pour voir s'il y a une fin. Parce que Mario Baby, dans le bootleg nord-américain, quand tu finis le jeu, ça l'arrête immédiatement. Talk. That's it. Fait que là, je veux le faire pour vrai sur la vraie carte, sur le vrai jeu d'origine, dans le fond. Fait que j'ai une game de ça. Et puis au Famicom aussi, Holy Diver, qui est un esti de jeu tough de IREM, qui ressemble un peu à Castlevania, mais avec un bonhomme qui lance des slash de même. Très basé sur Dio. Et puis la toune Holy Diver, je me rappelle pas si la toune est dans le jeu sous une forme ou sous une autre, mais dans l'historique du jeu Famicom Holy Diver, Seb, tu checkeras ça, il y a des références à Dio. Je pense même que le personnage, son look avec les cheveux longs, est basé sur lui. Comment il s'appelle? Donc Ronnie James Dio, le vocal, il est mort, rest in peace. Mais c'est ça, c'est intéressant. Bref, puis c'est un très beau jeu à la Castlevania et tout, mais fucking cruel, là, avec ben des bébites, puis ben de la marbre, puis ça va vite, puis tu meurs. Mais t'as de la magie, tu ramasses des items, il y a moyen de moyenner, mais il n'y a pas de password, il n'y a rien. Puis c'est un jeu que tu laisses sur pause parce que tu commences tout le temps au début du niveau, puis à force de le faire, de te faire violer continuellement, tu t'habitues. C'est pas un beau mot, j'aimerais pas utiliser ça, excusez. De te faire détruire. T'apprends, tu découvres les patterns, tu finis par passer le niveau, mais ça peut être genre 45 minutes par niveau tellement c'est rough, tu sais. Fait que c'est un jeu décourageant. Mais au moins, là, crime, je peux laisser sur pause où je suis rendu dans mon... À force de me faire buter, t'avances quand même, ah, je vais me rendre jusqu'au bout. Mais j'avais arrêté parce que je pouvais pas laisser ça sur pause avant. J'avais le bootleg aussi. Je l'ai ici, je vais vous montrer ça. Je l'ai ici parce que je l'ai à vendre parce que maintenant j'ai plus besoin de ce bootleg-là. Donc ça c'est le bootleg de Holy Diver, bootleg nord-américain de Holy Diver. Donc je sais pas ce que ça vaut là, mais je vais vendre ça bientôt. C'est la vraie pochette du jeu en passant ici là. Il n'y a pas de titre. Donc voilà. C'est un... Ah, il y a des screenshots en arrière. Putain, ils sont même à l'envers. Vous verrez rien, là, c'est tout stretché. Bref, bon jeu cruel, mais que je peux maintenant me starter une game puis le laisser sur pause. Fait que hostie que je capote parce que mon plus jeune il jouait à la Switch avec la Switch dans ses mains pendant ce temps-là. Moi je joue au NES sur mon analogue avec mon Everdrive. Quand je suis tanné, je save puis je m'en vais. Ah, je joue aussi, man, je capote. Je joue à Over Horizon. Ça, c'est un shmup qui est jamais sorti en Amérique du Nord. Qui est sorti au Japon et il est sorti aussi en Europe. Donc, il y a une version PAL de ça. Et puis, j'ai tout le temps trouvé que c'était un super beau shmup. Et puis, dans le Nintendo Power, même, dans la section des passwords ou des codes secrets, quand ils parlent d'un jeu là-dedans, ils donnent des codes, ils mettent tout le temps un screenshot du jeu. Pas un screenshot, excuse, le title du jeu, mais le vrai, là, comme dans le title screen, c'est comme s'ils découpent dans Photoshop le logo, puis ils le mettent là. Puis je trouve le logo de Over Horizon super beau, tu sais. Puis je trouvais que ça avait l'air vraiment bon, ce shmup là. J'ai jamais pu jouer. Mais là, man, je peux jouer. Puis là, j'ai une game sur pause au dernier niveau, justement. Et puis, je me suis rendu au boss de fin. Il m'a détruit. La route vers le boss de fin, je commence à la comprendre, là. Mais c'est très frustrant. Tu sais ce qui arrive avec ces jeux NES, là, tu sais. Tu joues pas pour te reposer, là. Tu joues pour aller au combat, là, tu sais. Puis... Je suis déjà au combat à longueur de journée. Des fois, le soir, je trouve ça un peu rough de challenger un niveau qui est dur. Puis, je vais le finir. Mais je veux les finir pareil parce que j'en retire quand même une grande fierté de finir ces jeux-là. Ça sert absolument à rien dans la vie d'être fier de finir des jeux vidéo. Sérieux, ça m'amène nulle part. Fait que c'est pour valider que je ne suis pas complètement con que j'ai fait le groupe finir des cassettes. Comme on doit être une gang, là, que... Au moins, on aura réussi ça dans la vie, hein, finir des cassettes. Non, mais j'aime ça, finir des jeux, j'aime ça. Fait que c'est ça, Over Horizon, c'est un shmup horizontal avec des upgrades simples, des gens d'affaires que tu as autour de ton vaisseau que tu peux éloigner ou rapprocher. Et puis, tu as trois types de guns, laser, bombe et homing. Et puis, chacune de ces trois affaires-là peuvent être upgradé d'une coche en pognant d'autres dans le niveau. Et puis, puis voilà. Et puis les niveaux, c'est beau, là, les sprites, c'est très vivant, pas beaucoup de ralentissements. Je te dirais même quand il y a des ralentissements, c'est bien. Ça aide parce qu'il y a du monde en tabarnache à l'écran. Et puis la musique est excellente. Les thèmes des niveaux sont beaux, tu sais, l'eau, bien sûr. C'est très Gradius-esque, mais ça là, ça. ça là, ça, c'est à eux, tu sais, c'est son jeu, c'est un jeu en tant que tel. Et puis, il n'y a pas de système là, d'options en bas, tu sais, fait que le power-upping est beaucoup plus simple que Gradius, puis moi, ça me convient parfaitement. Donc, c'est un magnifique jeu pour vrai, puis si vous avez la chance d'essayer ça sur émulateur, c'est de valeur que ça ne soit pas sorti en Amérique du Nord, là, vraiment, je comprends même pas. C'est un jeu qui mérite totalement d'être dans toutes les d'être en Amérique du Nord. Je veux juste voir qui c'est qui a fait ça. Qui c'est qui a développé ça? Over Horizon. C'est. Développé par Pixel. C'est publié par Hotbee. Hotbee, ce logo-là, moi je l'ai en tête juste pour la série Black Bass. C'est très weird. Publié par Hotbee en 91. 6 stages avec des boss fights. Il y a des mid-boss aussi. Le petit vaisseau, il est cute. La signature est nice. Non, c'est vraiment une belle chose. Puis je suis 100% vraiment heureux de pouvoir jouer à ça grâce à mon Everdrive. Donc merci Michael. Merci beaucoup. Et puis, côté Switch, j'accumule beaucoup de jeux là, présentement. Et puis, je vous ai tout présenté ça sur ma page Facebook. J'ai commencé Mighty Gunvolt Burst. Et puis, c'est très intéressant. Ça, c'est comme Azure Striker Gunvolt, mais Mega Man, tu sais. Et puis, Mega Man 8-bit style. J'avais beaucoup aimé Mighty Gunvolt. Puis là, ça, c'est comme un peu la suite. Et puis, ils ont rentré là-dedans aussi. Il l'avait déjà à l'autre, là, mais Beck de Mighty No. 9. Donc, c'est un mélange de Gunvolt, de la série Gunvolt et de Mighty No. 9. Les personnages sont mixés là-dedans. Il y en a d'autres où Coppen est là, bien sûr, tu sais, les filles et tout. Puis, je sais pas s'il y a d'autres personnages que je connais pas. Bref, tu as comme 8 personnages avec lesquels tu fais le jeu, tu sais. C'est comme. Tu peux faire le. Puis, chacun des personnages a ses forces de base, tu sais, qui sont les mêmes que dans son jeu initial. Donc, c'est ça. Je les ai pas tous essayés, j'ai juste essayé Beck et puis un personnage rouge qui est très intéressant, qui a une griffe, une claw, donc vraiment violente, là. C'est comme Mega Man avec un slash, imagine, c'est plaisant. Et puis, mais ce personnage-là, il perd la life continuellement comme s'il était poison, fait que tu tues des ennemis pour refaire de la life. Donc c'est un concept intéressant, tu vois, je le connaissais pas ce personnage-là. Mais là où ce que ça me décourage un peu, c'est que, puis il y en a qui vont aimer ça, j'ai des amis qui adorent ça, moi, ça... Quand tu bats un boss, tu sais, au lieu de gagner son gun, pis c'est réglé, pis c'est simple comme dans Mega Man, t'as tout un système de customize pour ton gun, la portée, elle explose-tu, elle curve-tu vers le haut, elle curve-tu vers le bas, tu sais, toi, est-ce que tu gagnes plus de life à cause de ça? Il y a tellement de configurations possibles, de slots de gun. Tu sais, mettons, tu configures un gun, il est dans slot 1, t'en configures un autre. Si tu as un boss, le boss c'est Spark, mettons, ben là tu peux configurer Spark, puis tu sais, c'est infini, là. Tu peux, il y a comme 100 cases de disponibles pour faire 100 combinaisons de guns. Là, moi c'est trop, là. C'est trop de choix. J'en demandais pas tant, je voulais pas avoir à gérer tout ça. Moi je veux juste jouer à Mega Man, c'est tout, là, tu sais. Là, c'est ça que j'aime un peu moins aussi de la série Azure Striker Gunvolt. C'est il y a beaucoup de sous-menus puis de gestion puis d'upgrade, puis je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'Inti Create ils se perdent là-dedans un peu, puis c'est pas si simple, tu sais, les menus. C'est oui, la configuration des guns, la création d'une configuration de gun est compliquée, man, parce que mettons ton personnage est capable d'avoir une capacité de 1500, c'est comme un poids, là, je sais pas quoi. Ben, si ta balle, elle explose, ben là, ça va prendre 200. Si elle va plus loin, ça rajoute un autre 300. Si t'as l'affaire, t'augmentes un speed, ça rajoute, tu sais, comme, faut pas que tu dépasses ta limite de 1500 dans ta configuration. Vous comprenez? C'est comme un pack-sac que tu remplis, faut pas qu'il soit trop lourd, dans le fond. Fait que, pis, j'ai de la misère à voir, pis il y a des sous-menus horizontaux. Pour ton gun, pour ton ci, pour ton ça, puis ton total, faut pas que ça dépasse le 1500. Mais là, comme je comprends pas, des fois j'en rajoute, puis ça a l'air correct. Là, j'arrive, j'ai dépassé le total. C'est pas. Les menus, crissement mal fait, tu sais. Il est pas optimal. Il aurait fallu que ça prenne tout l'écran, puis qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe. Mais là, man, c'est une petite fenêtre, puis. Ah! Je suis très déçu de ça, pour être franc. Je veux pas décourager personne. Là. Le jeu, il est super plaisant à jouer. Mais puis il faut que tu en fasses des guns de même, parce que sinon, tu arrives à un boss, puis avec ton P-shooter de base, ça va pas le faire. Là. Tu seras pas assez fort. Là. Fait que ça m'a rebuté pas mal. Fait que j'étais content. J'étais comme, yeah, fait longtemps que je vais essayer ça. Puis là, je me dis, ah, de l'ouvrage encore de l'ouvrage. Fait que j'ai mis ça de côté, puis j'ai commencé Dandara, qui est un magnifique jeu indépendant que je ne connaissais pas du tout. T'es une afro-américaine, personnage noir, une femme, donc c'est le temps, on parle des femmes ces temps-ci, donc c'est le bon temps pour ça. Et puis, tu peux pas sauter, tu peux pas avancer, tout ce que tu fais, c'est coller d'une plateforme à l'autre, tu te propulses comme tchou. Donc, toutes les plateformes qui sont blanches, tu peux aller dessus. Alors, c'est toi qui pèses dans une direction avec ton viseur, dans le fond, puis tu vises où est-ce que tu veux te propulser. C'est très cool. Puis tu as un gun, dans le fond, une arme que tu crains en gardant ton doigt sur le bouton. Puis il peut avoir des upgrades de ça. Ça au lieu d'envoyer un beam, ça envoie un missile. Tu as un protect. Donc, je suis pas rendu loin. Et puis là, c'est plate parce que comme j'avais du fun, je jouais. Et puis, j'ai joué pendant une heure toute. Là, je suis rendu une place, man. Je me fais tuer, là. Puis j'essaye. Il manque de save points dans ce jeu-là. Tu peux les activer pour en avoir plus. Puis là, le jeu, il dit, attention, t'es sûr que tu veux faire ça? Parce que ça va laisser une marque permanente dans ta game. Il n'y a pas de honte. Ça va pas changer tes accomplissements ou quoi que ce soit. Là, dis-moi pas ça, là, tu sais. J'aurais ben trop honte d'activer ça, fait que je l'active pas. Je peux pas être une feluette, est-ce que... Fait que là, je le fais pas, mais je suis comme... là, je me fais maganer, là. Tu sais, je vois pas comment je peux passer dans ce couloir-là. C'est long, là, de mon dernier save jusqu'à où est-ce qu'il faut que j'aille. Puis quand j'arrive là, j'ai déjà perdu la moitié de mes affaires parce que je me suis fait maganer en chemin. Puis il y a tellement de monde, je vois pas comment... Peut-être que je suis pas assez vite, tu sais. C'est vraiment comme de l'anticipation. Cling, clang, cling, clang. Tu peux traverser le niveau, là, hyper rapidement. C'est vraiment une dynamique unique. J'ai jamais joué à un jeu comme ça avant. Où est-ce que tu peux pas bouger autrement qu'en pesant dans la direction que tu veux te propulser. C'est pas un téléport. Tu vois ton personnage, puis le personnage, en allant à l'autre point, s'il touche quelque chose en chemin, tu reçois du dommage, tu sais. Donc, c'est ça. Mais c'est un jeu magnifique, c'est très bien pensé, c'est une belle découverte. Moi, je connaissais pas ça, ça fait quand même un bout que c'est sorti. Regarde, allez voir du gameplay, ça peut vous intéresser. Là, je commence à pogner les nerfs pour vrai après le jeu. Hier, j'ai essayé encore, j'étais en crise, j'ai fermé ça. La vie est trop courte pour être en crise en plus le soir. Je file pas pour rusher, là. Ces temps-ci, là, quand je suis à la maison, le soir, je file pour chiller, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai pas beaucoup contribué à mon groupe Finir des cassettes dernièrement. Parce que tous les jeux que j'essaye ces temps-ci, c'est des hosties de jeux tough, là, ou longs, tu sais. Fait que ça va venir. Un par un, je vais les avoir. Mais c'est ça. Je joue à ça présentement. Et je rush un peu, puis j'ai besoin de légèreté à la maison. Fait que j'ai de la misère à finir ces jeux-là. Mais ça va arriver, ça va arriver. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui, parce que ça fait un bout que je parle, et puis la journée commence, et puis il faut que j'aille travailler. Là, on est mardi le 9 mars, et puis c'est Rétro Nouveau ce soir. Peut-être vous allez écouter ça en différé, mais suivez la page de Rétro Nouveau. Là, moi, vu que mon ordi est au bureau, faut que je fasse ça avec un portable, mon téléphone, ça va être un cauchemar, là, ça va vraiment mal aller. Je peux pas venir au bureau ici pour enregistrer puis parce que couvre-feu. Sinon, faudrait que je dorme ici. Fait que pas l'idéal. Je vous avertis tout de suite que moi, dans mon écran de podcast à distance, ça peut que ça soit laid. Mais on fait ce qu'on peut. On a beaucoup de nouveaux Patreons aussi ces temps-ci à Rétro Nouveau. Je suis comme, waouh, on est pourtant si peu présents. Puis il y a beaucoup de monde, fait que c'est encourageant. Alors, je remercie tout le monde. Patreon de Rétro Nouveau et Patreon de Papa Cassette. Il y en a aussi qui font les deux, donc c'est très généreux de votre part. Et merci beaucoup. Donc voilà, on va se souhaiter bonne chance dans l'achat des meubles et toutes ces folies-là. Et puis, amusez-vous, la relâche est finie, enfin. Je nous souhaite les cas sont bas là, ces temps-ci, fait que j'espère que ça va déconfiner un peu plus bientôt. Je pense pas qu'on va réussir à aller célébrer le 5e anniversaire d'Arcade MTL le 1er avril prochain, malheureusement. Donc, on va encore passer ça dans le beurre. Mais deux anniversaires, hein, passés fermés, c'est quand même triste. Mais ouais, on va prendre tout ce qui nous laisse, sti, ça c'est sûr. Alors, merci à tous. Suivez mes pages. Et puis, merci d'être présents. Et puis, bonne journée. Bye!